55 minutes. Bonjour mesdames, messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mardi, dont voici les grands titres. Le président du Burundi déplore la régression de la langue française dans l'enseignement suite au manque des livres de lecture en province Rumonge. On parlait de la suspension de toutes les activités dans nos cités d'Inkurunziza City. Les raisons, vous les aurez dans les détails de ce journal. La chronique santé de ce mardi parlait de rétinopathie. Voilà pour l'essentiel. Les vestiaires, je suis à la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Innocent Uyboniman. La radio de l'avenir. La page éducation débute et ce journal. La langue française est en régression suite au manque des livres de lecture dans des bibliothèques pour les élèves. Constat du chef d'État Evariste Ndayishimiye ce lundi de retour de la Tunisie. Il avait participé au 18e sommet de la francophonie. Le président Ndayishimiye trouve que les pays développés devraient appuyer le Burundi en lui dotant des livres pour pallier son problème et suivez les traduits en français par Moïse Misago. En général, c'était pour analyser les obstacles qui peuvent handicaper la collaboration entre ces pays en ce qui concerne la technologie et l'intégration de la dimension genre dans les programmes de développement. Pour le Burundi, c'était l'occasion de présenter les défis qu'ils rencontrent, surtout la régression de la langue française, car les élèves n'ont pas de livres pour la lecture dans des bibliothèques. Nous trouvons que les pays développés peuvent aider le Burundi pour avoir des livres dans des bibliothèques ainsi que des bibliothèques numériques, de même que les centres d'animation culturelle qui sont dans des communes n'ont pas de salles pour la lecture. Et là, nous voyons qu'on a besoin des livres pour le bon fonctionnement de ces centres. C'était aussi une occasion de présenter le problème que nous avons dans la communauté africaine en ce qui concerne l'usage du français dans les pays membres. Tout cela, on doit être appuyé par la France, qui est l'origine de cette langue, et portant aussi l'origine de la langue française qui est parlée dans la francophonie. Nous attendons l'exécution. Et en page sécurité, la question de la sécurité en RDC a été débattue lors de la rencontre entre le président Ndayishimiye et son homologue français Emmanuel Macron. Ils se sont engagés à collaborer pour le rétablissement de la paix en RDC. Suivez-le encore une fois, toujours traduit en français par Moïse Misago. Moi, en tant que président en exercice de la communauté africaine et lui, comme président du Conseil de l'Union européenne, vous entendez que c'est une préoccupation pour nous tous. Nous nous sommes dit qu'il faut tout faire pour rétablir la paix. Nous avons dénoncé l'insécurité qui prévaut au Nord Kivu. Pour ce, nous sommes engagés pour le retour de la paix. Ce qui me réjouit, nous voyons les choses de la même manière. Il a promis qu'il va appuyer les initiatives de la région dans ses initiatives pour rétablir la paix en Afrique. Il a promis aussi que d'ici peu, il va envoyer une commission d'experts pour collaborer avec celle des Burundais pour qu'avant la fête de Noël, on ait une feuille de route pour la mise en exécution de tout ce qu'on s'est convenu, comme celui en rapport avec l'éducation, l'agriculture et l'élevage, ainsi que ce qui concerne la sécurité en République démocratique du Congo. Nous avons fait une réunion en Zoom avec le président congolais Félix Tshisekedi et le médiateur kenyan dans la crise en RDC, Uhuru Kenyatta et moi-même. Le médiateur a pu constater les souffrances des Congolais et s'est engagé que le mouvement M23 doit regagner ses anciennes positions d'avant pour que la population retrouve la paix et par après rejoindre la table de dialogue. En page de coopération, le mouvement d'entrée et sortie aux frontières burundo-rwandaises reste timide. Les voyageurs rencontrés aux frontières d'Oruwa et Kanyaru apprécient la réouverture. Pourtant, ils trouvent que le montant de 15 000 francs burundais exigé comme frais pour le test COVID-19 pour les nationaux et 15 $ pour les étrangers constitue un défi. Ces voyageurs plaident pour la suppression de ces frais, chose qui pourrait booster l'économie. C'est un reportage signé Jean-Marie Mayonga. ari amahera bariha ya covid nico gituma uruja n'uruza ari rukenya abantu baraza mugo ntugo baza bo biturutse ku biciro babaciye c'est à la frontière Ruwa c'est pas là le Burundi et le Rwanda se trouve sur la colline Rukana 1 commune Rugombo de la province Chibitoke à quelques mètres seulement tu vois les montagnes surplombant le Rwanda et d'autres de la République démocratique du Congo. Il est 12h30, les personnes venues de la République démocratique du Congo, un grand nombre entrent au Burundi, passant par cette frontière de Ruhwa. Certains individus exerçant le petit commerce à la frontière Ruhwa et Kanyaruhwa se disent satisfaits de la réouverture de ces frontières. Ils signalent qu'aujourd'hui, les produits s'écoulent vite à cause des étrangers qui viennent au Burundi. Aujourd'hui, ça marche bien. Ce qui a changé, nous voyons les gens venus de la RDC venir au Burundi et acheter nos produits. La somme de 15 000 francs burundais pour les Burundais et 15 $ pour les étrangers, payée par toute personne qui entre au Burundi, ne leur facilite pas à venir nombreux et ne comprennent pas pourquoi seuls le Burundi exige le paiement de cette somme. Les 15 000 qu'ils demandent, vraiment, s'ils ne les suppriment pas, ça ne sera pas facile pour nous, simples citoyens, de pouvoir voyager. Ici au Burundi, on paye 15 $ et les 15 $, c'est un peu beau, c'est beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas à mesure vraiment de payer. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas les mouvements. Au Congo, c'est gratis. Au Rwanda, c'est gratis. Mais au Burundi, on fait payer 15 $. Les citoyens demandent la facilitation pour visiter le Rwanda en utilisant leur carte d'identité et souhaitent la suppression de cette somme d'argent. Nous, les petits commerçants de Kanyaruhwa, nous voulons qu'ils ouvrent la frontière et nous autorisent à traverser en utilisant des cartes d'identité pour aller chercher des marchandises au Rwanda. Karim Ebizoza, gouverneur de la province Chibitoke, tranquillise ceux qui demandent l'usage des identités pour traverser la frontière. Il promet que cette question sera étudiée les concernés de la commission chargée de la lutte contre la COVID. La population est contente. Vous constatez qu'ils ont commencé avec le petit commerce. Toujours, le débit n'est pas facile, mais on espère que ceux qui demandent l'usage des cartes d'identité, cette question sera résolue. Les deux frontières Ruhwa et Kanyaruhwa, récemment réouvertes, viennent de passer un mois en fonction. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal est continué par la page santé. Le monde a enregistré plus de 4 millions de décès liés à des infections bactériennes et pharmaco-résistantes en 2019. Pourtant, les meilleures pratiques dans l'usage rationnel des médicaments antimicrobiens permettent d'éviter l'apparition d'une résistance aux antibiotiques. Propos du docteur Isidore Nihalilizo, assistant du ministère de la Santé publique, dans ses attributions ce mardi. C'était lors de la célébration de la semaine mondiale dédiée aux antimicrobiens. Il lance un appel à tout le monde à bien utiliser les médicaments prescrits par un prestataire de soins. Suivez-le. Le mauvais usage des antimicrobiens, c'est qu'il y a augmentation de la mortalité. Et en même temps, les germes deviennent résistants et par conséquent, il y a augmentation de la durée de séjour en hospitalisation. En même temps, le coût des soins devient important. Cela a un impact sur l'économie des ménages en général, en particulier le pays éprouve des difficultés à trouver des médicaments qui deviendront efficaces, surtout que les médicaments essentiels disponibles ici sont dispensés, mais que certains prestataires ou certains malades utilisent de façon inappropriée. On sensibilise alors le public à un bon usage des antimicrobiens en utilisant les médicaments qui sont prescrits par les prestataires de soins et surtout, on recommande aux malades de prendre entièrement les doses telles que prescrites. Ceci va contribuer à la prévention des résistances aux antimicrobiens. Et en page de gouvernance, les activités en cours sur le site baptisé Nkurunziza site situé à la colline Gatete de la commune et province Rumonge sont suspendues dès le soir de ce lundi. Décision de Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, après des dénonciations publiques et des cas d'injustice dans l'aménagement de son site. Il a déclaré que les nouvelles orientations pour ce terrain vont bientôt sortir. Les détails avec Jean-Pierre Misago. guhera kano kanya kivuze bino bintu nyene ta muntu umwe yemereye kurangurira umugambi nga aye. Ce terrain dont il est question s'étend sur 65 hectares et se trouve sur la colline Gatete de la commune province Rumonge. Après les éclaircissements sur l'origine du projet d'aménagement de ce terrain en un village baptisé Nkurunziza City par Benjamin Bikolimana à la tête de ce projet, certains participants dans cette rencontre ont affirmé avoir été consultés et en sont satisfaits. D'autres ont dénoncé la violation des contrats par Bikolimana ou ont dû se résigner de peur de tout perdre après l'appellation Nkurunziza City attribuée à ce site ou encore ont carrément refusé de signer les contrats. Ceux qui se disent lésés demandent d'être rétablis dans leurs droits. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, lors de sa descente sur ce site, a ordonné l'arrêt immédiat de tous les travaux sur ce site en attendant de nouvelles orientations par rapport à ce site. Des orientations qui vont bientôt tomber selon le gouverneur de Rumonge. Par ailleurs, cette autorité provinciale a annoncé le remplacement des jeunes civils qui assuraient la garde de ce site par des éléments des forces de l'ordre. Quant à Benjamin Bikolimana, le gouverneur de Rumonge a ordonné l'accélération des travaux de reconstruction de deux maisons récemment démolies dans ce site afin de les remettre à leur propriétaire dans les délais fixés par le comité provincial de sécurité. Ce site a été la troisième place visitée ce lundi après la plage et le port commercial de la ville de Rumonge afin de mettre en application les recommandations du Premier ministre burundais lors de sa récente descente dans cette province. Jean-Pierre Misago depuis Gatete, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La rétinopathie diabétique est une maladie des yeux causée par le diabète et l'ophtalmologue Lévi Kandeke précise que les gens qui ne se soignent pas bien sont les plus exposés. Le spécialiste révèle que cette maladie est asymptomatique. Il est détaillé avec Ornella Mucho. La rétinopathie diabétique est une maladie liée au diabète et qui atteint une partie de l'œil qu'on appelle la rétine, la partie principale qu'on utilise pour avoir une bonne vision. L'ophtalmologue Lévi Kandeke indique que plusieurs facteurs favorisent la survenue de cette maladie, comme un diabète instable ou l'ancienneté du diabète. Elle survient dans la plupart des fois chez les patients qui ont un diabète depuis un certain temps. La plupart des fois, c'est 10 ans et plus, mais comme vous le savez chez nous, on sait très bien que la plupart avait un diabète alors qu'il l'ignorait. Ensuite, c'est souvent des diabètes qui sont difficiles à traiter. Ceux qui ont un diabète instable sont ceux qui développent le plus souvent une rétinopathie diabétique. Les patients qui ont des comorbidités, qui ont d'autres maladies comme l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie, ces patients développent plus facilement la rétinopathie diabétique. Nous savons, sans aller trop dans les détails, pour nous les médecins, on sait que les patients qui prennent le tabac, que les périodes de grossesse, que les périodes difficiles avec une chirurgie peuvent déclencher également une rétinopathie diabétique. Généralement, la rétinopathie diabétique ne donne aucun signe d'alerte. Dans les premiers stades, les symptômes apparaissent lorsque les lésions oculaires sont graves. Il n'y a pas de symptômes, donc c'est inutile d'attendre d'avoir des symptômes. Il faut y aller bien avant, quand on n'a aucun symptôme, pour voir l'état de cette rétine. Toutefois, il y a des examens qu'on puisse faire précocement pour détecter cette maladie. On doit examiner le patient pour voir d'abord l'acuité visuelle, mesurer la tension de l'œil, nous regardons l'intérieur de l'œil, comment vont toutes les structures de l'œil, et après on fait un fond d'œil qui nous permet de voir la rétine, l'état de la rétine. La rétinopathie diabétique a tendance à causer des saignements avec les vaisseaux à l'intérieur de la rétine, et donc le but c'est de faire en sorte que les vaisseaux ne saignent pas. Le traitement et la prévention de la rétinopathie diabétique seront précisés dans notre prochaine chronique santé par l'ophtalmologue Lévi Kandeke. Merci, on est là, Mouchou. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent et Bonimana pour la parfaite collaboration. Vestine, auto-jeté la présentation. Au revoir.